Section 15 de Mémoire d'outre-tombe, volume 4, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehan. Quatrième partie, livre 6e. Journal de Paris à Venise, Jura, Alpes, Milan, Vérone, Appel des morts, La Brenta, Incidence, Venise, Architecture vénitienne, Antonio, l'abbé Bettio et M. Gamba. Salle du Palais des Doges. Prison. Prison de Silvio Pellico. Les Frari. Académie des Beaux-Arts. L'Assomption du Titien. Métope du Parthénon. Dessins originaux de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de Raphaël. Église de Saint-Jean et Paul. L'Arsenal. Henri IV. Frégate partant pour l'Amérique. Cimetière de Saint-Christophe. Saint-Michel de Murano. Murano. La femme et l'enfant. Gondolier. Les Bretons et les Vénitiens. Déjeuner sur le quai des Esclavons. Mesdames à Trieste. Rousseau et Byron. Beaux génies inspirés par Venise. Anciennes et nouvelles courtisanes. Rousseau et Byron, nés malheureux. Du 7 au 10 septembre 1833, sur la route. Je partis de Paris le 3 septembre 1833, prenant la route du Simplon par Pontarlier. Salins, brûlé, était rebâti. Je l'aimais mieux dans sa laideur et dans sa caducité espagnole. L'abbé d'Olivet naquit au bord de la Furieuse. Ce premier maître de Voltaire, qui reçut son élève à l'Académie, n'avait rien de son ruisseau paternel. La grande tempête qui a causé tant de naufrages dans la Manche m'assaillit sur le Jura. J'arrivais de nuit au vaste du relais de l'Évier. Le caravansérail bâti en planches, fort éclairé, rempli de voyageurs réfugiés, ne ressemblait pas mal à la tenue d'un sabbat. Je ne voulus pas m'arrêter, on amena les chevaux. Quand il fallut fermer les lanternes de la calèche, la difficulté fut grande. L'hôtesse, jeune sorcière extrêmement jolie, prêta son secours en riant. Elle avait soin de coller son lumignon, abrité dans un tube de verre, auprès de son visage, afin d'être vue. À Pontarlier, mon ancien hôte, très légitimiste de son vivant, était mort. Je soupais à l'auberge du National. Bon augure pour le journal de ce nom. Armand Carrel est le chef de ces hommes qui n'ont pas menti aux journées de juillet. Le château de Joux défend les approches de Pontarlier. Il a vu succéder, dans ses donjons, deux hommes dont la Révolution gardera la mémoire, Mirabeau et Toussaint Louverture, le Napoléon noir, imité et tué par le Napoléon blanc. Toussaint, dit Madame de Staël, fut amené dans une prison de France où il périt de la manière la plus misérable. Peut-être Bonaparte ne se souvient-il pas seulement de ce forfait, parce qu'il lui a été moins reproché que les autres. L'ouragan croissait, j'essuyais sa plus grande violence entre Pontarlier et Orbe. Il agrandissait les montagnes, faisait tinter les cloches dans les hameaux, étouffait le bruit des torrents dans celui de la foudre, et se précipitait en hurlant sur ma calèche comme un grain noir sur la voile d'un vaisseau. Quand de bas éclairs les ardaient les bruyères, on apercevait des troupeaux de moutons immobiles, la tête cachée entre leurs pattes de devant, présentant leur queue comprimée et leur croupe velue aux géboulées de pluie et de grêle fouettées par le vent. La voix de l'homme qui annonçait le temps écoulé du haut d'un beffroi montagnard semblait le cri de la dernière heure. À Lausanne, tout était redevenu riant. J'avais déjà bien des fois visité cette ville, je n'y connais plus personne. À Bex, tandis qu'on attelait à ma voiture les chevaux qui avaient peut-être traîné le cercueil de Madame de Custine, j'étais appuyée contre le mur de la maison où était morte mon hôtesse de Fervaques. Elle avait été célèbre au tribunal révolutionnaire par sa longue chevelure. J'ai vu à Rome de beaux cheveux blonds retirés d'une tombe. Dans la vallée du Rhône, je rencontrai une garçonnette presque nue qui dansait avec sa chèvre. Elle demandait la charité à un riche jeune homme bien vêtu qui passait en poste, courrier galonné en avant, deux laquais assis derrière le brillant carrosse. Et vous vous figurez qu'une telle distribution de la propriété peut exister? Vous pensez qu'elle ne justifie pas les soulèvements populaires? Si on me remémore une époque de ma vie, De secrétaire d'ambassade que j'étais à Rome, le premier consul m'avait nommé ministre plénipotentiaire au Valais. À Brigue, je laissais les jésuites s'efforçant de relever ce qui ne peut l'être. Inutilement établis au pied du temps, ils sont écrasés sous sa masse, comme leur monastère sous le poids des montagnes. J'étais à mon 10e passage des Alpes. Je leur avais dit tout ce que j'avais à leur dire dans les différentes années et les différentes circonstances de ma vie. Toujours regretter ce qu'il a perdu, toujours s'égarer dans les souvenirs, toujours marcher vers la tombe en pleurant et s'isolant. C'est l'homme. Les images empruntées de la nature montagneuse ont surtout des rapports sensibles avec nos fortunes. Celui-ci passe en silence comme l'épanchement d'une source. Celui-ci attache un bruit à son cours comme un torrent. Celui-là jette son existence comme une cataracte qui épouvante et disparaît. Le Simplon a déjà l'air abandonné, de même que la vie de Napoléon. De même que cette vie, il n'a plus que sa gloire. C'est un trop grand ouvrage pour appartenir aux petits États auxquels il est dévolu. Le génie n'a point de famille. Son héritage tombe par droit d'aubaine à la plèbe, qui le grignote et plante un chou où croissait un cèdre. La dernière fois que je traversais le Simplon, j'allais en ambassade à Rome. Je suis tombé. Les pâtres que j'avais laissés au haut de la montagne y sont encore. Neige, nuages, roches ruiniques, forêts de pins, fracas des eaux, environnent incessamment la hutte menacée de l'avalanche. La personne la plus vivante de ces chalets est la chèvre. Pourquoi mourir? Je le sais. Pourquoi naître? Je l'ignore. Toutefois, reconnaissez que les premières souffrances, les souffrances morales, les tourments de l'esprit sont de moins chez les habitants de la région des chamois et des aigles. Lorsque je me rendais au congrès de Vérone en 1822, la station du pic du Simplon était tenue par une Française. Au milieu d'une nuit froide et d'une bourrasque qui m'empêchait de la voir, elle me parla de la Scala de Milan. Elle attendait des rubans de Paris. Sa voix, la seule chose que je connaisse de cette femme, était fort douce à travers les ténèbres et les vents. La descente sur Domo d'Ossola m'a paru de plus en plus merveilleuse. Un certain jeu de lumière et d'ombre en accroissait la magie. On était caressé d'un petit souffle que notre ancienne langue appelait l'or. Sorte d'avant-brise du matin, baignée et parfumée dans la rosée, j'ai retrouvé le lac majeur où je fus si triste en 1828 et que j'aperçus de la vallée de Bellinzona en 1832. À Sesto Calande, l'Italie s'est annoncée. Un Paganini aveugle chante et joue du violon au bord du lac en passant le Tessin. Je revis, en entrant à Milan, la magnifique allée de tulipiers dont personne ne parle. Les voyageurs les prennent apparemment pour des platanes. Je réclame contre ce silence en mémoire de mes sauvages. C'est bien le moins que l'Amérique donne des ombrages à l'Italie. On pourrait aussi planter à Gênes des magnolias mêlés à des palmiers et des orangers. Mais qui songe à cela? Qui pense à embellir la terre? On laisse ce soin à Dieu. Les gouvernements sont occupés de leur chute et l'on préfère un arbre de carton sur un théâtre de Fantoccini au magnolia dont les roses parfumeraient le berceau de Christophe Colomb. À Milan, la vexation pour les passeports est aussi stupide que brutale. Je ne traversais pas Vérone sans émotion. C'était là qu'avait réellement commencé ma carrière politique active. Ce que le monde aurait pu devenir si cette carrière n'eût été interrompue par une misérable jalousie se présentait à mon esprit. Vérone, si animée en 1822 par la présence des souverains de l'Europe, était retournée en 1833 au silence. Le congrès était aussi passé dans ces rues solitaires que la cour des Scaligeri et le sénat des Romains. Les arènes, dont les gradins s'étaient offerts à mes regards chargés de 100 000 spectateurs, baillaient désertes. Les édifices que j'avais admirés sous l'illumination brodée à leur architecture s'enveloppaient gris et nus dans une atmosphère de pluie. Combien s'agitaient d'ambition parmi les acteurs de Vérone? Que de destinées de peuples examinés, discutés et pesés? Faisons l'appel de ces poursuivants de songes. Ouvrons le livre du jour de colère. Liber scriptus proferetur. Monarque, prince, ministre, voici votre ambassadeur. Voici votre collègue revenu à son poste. Où êtes-vous? Répondez. L'empereur de Russie Alexandre? Mort. L'empereur d'Autriche François I? Mort. Le roi de France Louis XVIII? Mort. Le roi de France Charles X? Mort. Le roi d'Angleterre Georges IV? Mort. Le roi de Naples Ferdinand Ier? Mort. Le duc de Toscane? Mort. Le pape Pie VII? Mort. Le roi de Sardaigne Charles Félix? Mort. Le duc de Montmorency, ministre des Affaires étrangères de France? Mort. Monsieur Canning, ministre des Affaires étrangères d'Angleterre? Mort. Monsieur de Bernstorff, ministre des Affaires étrangères en Prusse? Mort. Monsieur de Gens, de la chancellerie d'Autriche? Mort. Le cardinal Consalvi, secrétaire d'État de sa sainteté? Mort. Monsieur de Serres, mon collègue au Congrès? Mort. Monsieur d'Aspremont, mon secrétaire d'ambassade? Mort. Le comte de Neperc, mari de la veuve de Napoléon? Mort. La comtesse Tolstoï, morte. Son grand et jeune fils? Mort. Mon hôte du palais Lorenzi? Mort. Si tant d'hommes couchés avec moi sur le registre du Congrès se sont fait inscrire à l'obituaire, si des peuples et des dynasties royales ont péri, si la Pologne a succombé, si l'Espagne est de nouveau anéantie, si je suis allé à Prague m'enquérir des restes fugitifs de la grande race dont j'étais le représentant à Vérone, qu'est-ce que donc que les choses de terre? Personne ne se souvient des discours que nous tenions autour de la table du prince de Metternich, mais, ô puissance du génie, aucun voyageur n'entendra jamais chanter l'alouette dans les champs de Vérone sans se rappeler Shakespeare. Chacun de nous, en fouillant à diverses profondeurs dans sa mémoire, retrouve une autre couche de mort, d'autres sentiments éteints, d'autres chimères qu'inutilement il allaita comme celle d'Herculanum à la mamelle de l'espérance. En sortant de Vérone, je fus obligé de changer de mesure pour supputer le temps passé. Je rétrogradais de 27 années car je n'avais pas fait la route de Vérone à Venise depuis 1806. À Brescia, à Vicence, à Padoue, je traversais les murailles de Palladio, de Scamozzi, de Franceschini, de Nicolas de Pise, de frère Jean. Les bords de la Brenta trompèrent mon attente. Ils étaient demeurés plus riants dans mon imagination, les digues élevées le long du canal enterrent trop les marais. Plusieurs villas ont été démolies, mais il en reste encore quelques-unes très élégantes. Là demeure peut-être le signor Pococurante, que les grandes dames assonnaient, dégoûtaient, que les deux jolies filles commençaient fort à lasser, que la musique fatiguait au bout d'un quart d'heure, qui trouvait Homère d'un mortel ennui, qui détestait le pieux aîné, le petit Ascagne, l'imbécile roi Latinus, la bourgeoise Amate et l'insipide Lavinie, qui s'embarrassait peu d'un mauvais dîner d'Horace sur la route de Brinde, qui déclarait ne vouloir jamais lire Cicéron et encore moins Milton, ce barbare gâteur de l'enfer et du diable du Tasse. Hélas, disait tout bas Candide à Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. Malgré mon demi-désappointement et beaucoup de dieux dans les petits jardins, j'étais charmé des arbres de soie, des orangers, des figuiers et de la douceur de l'air, moi qui, si peu de temps auparavant, cheminais dans les sapinières de la Germanie et sur les monts des Tchèques où le soleil a mauvais visage. J'arrivai le 10 de septembre au lever du jour à Foussina, que Philippe de Comines et Montaigne appellent Chafoussine. À 10h30, j'étais débarqué à Venise. Mon premier soin fut d'envoyer au bureau de la poste. Il ne s'y trouva rien, ni à mon adresse directe, ni à l'adresse indirecte de Paolo. De Madame la Duchesse de Berry, aucune nouvelle. J'écrivis au comte Griffi, ministre de Naples, à Florence, pour le prier de me faire connaître la marche de son Altesse royale. M'étant mise en règle, je me résolus d'attendre patiemment la princesse. Satan m'envoya une tentation. Je désirais, par des suggestions diaboliques, demeurer seul une quinzaine de jours à l'hôtel de l'Europe, au détriment de la monarchie légitime. Je souhaitais de mauvais chemins à l'auguste voyageuse, sans songer que ma restauration du roi Henri V pourrait être retardée d'un demi-mois. J'en demande, comme Danton, pardon à Dieu et aux hommes. Venise, hôtel de l'Europe, 10 septembre 1833. Venise. Salve Italum Regina, nec tu semper eris. Saint-Nazaire. O d'Italia dolente, eterno lume, Venezia, qui abrera. On peut à Venise se croire sur le tillac d'une superbe galère à l'ancre, sur le Bucentur où l'on vous donne une fête et du bord duquel vous apercevez alentour des choses admirables. Mon auberge, l'hôtel de l'Europe, est placée à l'entrée du Grand Canal, en face de la douane de mer, de la Giudecca et de Saint-Georges Majeur. Lorsqu'on remonte le Grand Canal entre les deux files de ces palais, si marqués de leur siècle, si variés d'architecture, lorsqu'on se transporte sur la grande et la petite place, que l'on contemple la basilique et ses dômes, le palais des doges, les procurazzi e nuove, la zucca, la tour de l'horloge, le beffroi de Saint-Marc, la colonne du lion, tout cela mêlé aux voiles et aux mâts des vaisseaux, au mouvement de la foule et des gondoles, à l'azur du ciel et de la mer, les caprices d'un rêve ou les jeux d'une imagination orientale n'ont rien de plus fantastique. Quelquefois, Cicceri peint et rassemble sur une toile, pour les prestiges du théâtre, des monuments de toutes les formes, de tous les temps, de tous les pays, de tous les climats. C'est encore Venise. Ces édifices, surdorés, embellis avec profusion par Giorgione, Titien, Paul Véronèse, Tintoret, Jean Bellini, Paris Bordonnais, les deux Palma, sont remplis de bronze, de marbre, de granit, de porphyre, d'antiques précieuses, de manuscrits rares. Leur magie intérieure égale leur magie extérieure. Et quand, à la clarté suave qui les éclaire, on découvre les noms illustres et les nobles souvenirs attachés à leur voûte, on s'écrie avec Philippe de Comines « C'est la plus triomphante cité que j'ai jamais vue ». Et pourtant, ce n'est plus la Venise du ministre de Louis XI, la Venise épouse de l'Adriatique et dominatrice des mers, la Venise qui donnait des empereurs à Constantinople, des rois à Chypre, des princes à la Dalmatie, au Péloponnèse, à la Crète, la Venise qui humiliait les Césars de la Germanie et recevait à ses foyers inviolables les papes suppliants, la Venise de qui les monarques tenaient à honneur d'être citoyens, à qui Pétrarque, Platon, Bésarion léguaient les débris des lettres grecques et latines sauvées du naufrage de la barbarie, la Venise qui, république au milieu de l'Europe féodale, servait de bouclier à la chrétienté, la Venise planteuse de lions, qui mettait sous ses pieds les remparts de Ptolémaïde, d'Ascalon, de Tyr, et abattait le croissant à les pentes. La Venise dont les doges étaient des savants et les marchands des chevaliers. La Venise qui terrassait l'Orient ou lui achetait ses parfums, qui rapportait de la Grèce des turbans conquis ou des chefs-d'œuvre retrouvés. La Venise qui sortait victorieuse de la ligue ingrate de Cambrai. La Venise qui triomphait par ses fêtes, ses courtisanes et ses arts, comme par ses armes et ses grands hommes, la Venise à la fois Corinthe, Athènes et Carthage, ornant sa tête de couronnes rostrales et de diadèmes de fleurs. Ce n'est plus même la cité que je traversais lorsque j'allais visiter les rivages témoins de sa gloire, mais grâce à ses brises voluptueuses et à ses flots amènes, elle garde un charme. C'est surtout aux pays en décadence qu'un beau climat est nécessaire. Il y a assez de civilisation à Venise pour que l'existence y trouve ses délicatesses. La séduction du ciel empêche d'avoir besoin de plus de dignité humaine. Une vertu attractive s'exhale de ces vestiges de grandeur, de ces traces des arts dont on est environné. Les débris d'une ancienne société qui produisit de telles choses, en vous donnant du dégoût pour une société nouvelle, ne vous laissent aucun désir d'avenir. Vous aimez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt autour de vous, vous n'avez d'autre soin que de parer les restes de votre vie à mesure qu'elle se dépouille. La nature, prompte à ramener de jeunes générations sur des ruines comme à les tapisser de fleurs, conserve aux races les plus affaiblies l'usage des passions et l'enchantement des plaisirs. Venise ne connut point l'idolâtrie. Elle grandit chrétienne dans l'île où elle fut nourrie, loin de la brutalité d'Attila. Les descendantes des Scipions, les Paules, les Eustochies, échappèrent dans la grotte de Bethléem à la violence d'Alaric. À part de toutes les autres cités, fille aînée de la civilisation antique, sans avoir été déshonorée par la conquête, Venise ne renferme ni décombres romains, ni monuments des barbares. On n'y voit point non plus ce que l'on voit dans le nord et l'occident de l'Europe, au milieu des progrès de l'industrie. Je veux parler de ces constructions neuves, de ces rues entières élevées à la hâte, et dont les maisons demeurent ou non achevées ou vides. Que pourrait-on bâtir ici? De misérables bouges qui montreraient la pauvreté de conception des fils auprès de la magnificence du génie des pères, des cahutes blanchies qui n'iraient pas au talon des gigantesques demeures des Foscari et des Pesaro. Quand on avise la truelle de mortier et la poignée de plâtre qu'une réparation urgente a forcé d'appliquer contre un chapiteau de marbre, on est choqué. Mieux valent les planches vermoulues barrant les fenêtres grecques et mauresques, les guenilles mises à sécher sur d'élégants balcons, que l'empreinte de la chétive main de notre siècle. Que ne puis-je m'enfermer dans cette ville en harmonie avec ma destinée, dans cette ville des poètes où Dante, Pétrarque, Byron passèrent? Que ne puis-je achever d'écrire mes mémoires à la lueur du soleil qui tombe sur ces pages? L'astre brûle encore dans ce moment mes savanes floridiennes et se couche ici à l'extrémité du grand canal. Je ne le vois plus, mais à travers une clairière de cette solitude de palais, ses rayons frappent le globe de la douane, les antennes des barques, les vergues des navires et le portail du couvent de Saint-Georges majeur. La tour du monastère, changée en colonne de rose, se réfléchit dans les vagues. La façade blanche de l'église est si fortement éclairée que je distingue les plus petits détails du ciseau. Les enclôtures des magasins de la Giudecca sont peintes d'une manière titienne. Les gondoles du canal et du port nagent dans la même lumière. Venise est là, assise sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va s'éteindre avec le jour. Le vent du soir soulève ses cheveux embaumés. Elle meurt saluée par toutes les grâces et tous les sourires de la nature. Venise, septembre 1833. À Venise, en 1806, il y avait un jeune signor Armani, traducteur italien ou ami du traducteur du génie du christianisme. Sa sœur, comme il disait, était nonne monaca. Il y avait aussi un juif allant à la comédie du grand Sanhedrin de Napoléon et qui reluquait ma bourse. Plus M. Lagarde, chef des espions français, lequel me donna à dîner. Mon traducteur, sa sœur, le juif du Sanhedrin, ou sont morts ou n'habitent plus Venise. À cette époque, je demeurais à l'hôtel du Lion Blanc, près du Rialto. Cet hôtel a changé de lieu. Presque en face de mon ancienne auberge est le palais Foscari qui tombe. Arrière toutes ces vieilleries de ma vie, j'en deviendrai fou à force de ruines. Parlons du présent. J'ai essayé de peindre l'effet général de l'architecture de Venise. Afin de me rendre compte des détails, j'ai remonté, descendu et remonté le grand canal, vu et revu la place Saint-Marc. Il faudrait des volumes pour épuiser ce sujet. Le fabriqué Piu Cospicue di Venezia du comte Cicognara fournissent le trait des monuments. Mais les expositions ne sont pas nettes. Je me contenterai de noter deux ou trois des agencements les plus répétés. Du chapiteau d'une colonne corinthienne se décrit un demi-cercle, dont la pointe descend sur le chapiteau d'une autre colonne corinthienne. Juste au milieu de ces styles s'en élève une troisième, même dimension et même ordre. Du chapiteau de cette colonne centrale partent à droite et à gauche deux épicycles, dont les extrémités se vont aussi reposer sur les chapiteaux d'autres colonnes. Il résulte de ce dessin que les arcs, en se coupant, donnent naissance à des ogives, au point de leur intersection, de sorte qu'ils se forment un mélange charmant de deux architectures, du plein cintre romain et de l'ogive arabe gothique ou Moyen-Âge d'origine. Mais il est certain qu'elle existe dans les monuments dits cyclopéens. Je l'ai vue très pure dans les tombeaux d'Argos. Le palais du Doge offre des entrelacs reproduits dans quelques autres palais, particulièrement au palais Foscari. Les colonnes soutiennent des cintres ogives. Ces cintres laissent entre eux des vides. Entre ces vides, l'architecte a placé deux rosaces. La rosace déprime l'extrémité des deux ellipses. Ces rosaces, qui se touchent par un point de leur circonférence dans la façade du bâtiment, deviennent des espèces de roues alignées sur lesquelles s'exalte le reste de l'édifice. Dans toute construction, la base est ordinairement forte. Le monument diminue d'épaisseur à mesure qu'il envahit le ciel. Le palais ducal est tout juste le contraire de cette architecture naturelle. La base, percée de légers portiques, que surmonte une galerie en arabesques endentées de quatre feuilles de trèfle à jour, soutient une masse carrée presque nue, on dirait d'une forteresse bâtie sur des colonnes, ou plutôt d'un édifice renversé, planté sur son léger couronnement et dont l'épaisse racine serait en l'air. Les masques et les têtes architecturales sont remarquables dans les monuments de Venise. Au palais Pesaro, l'entablement du premier étage, l'ordre dorique, est décoré de têtes de géants. L'ordre ionique du second étage est enlié de têtes de chevaliers qui sortent horizontalement du mur, le visage tourné vers l'eau. Les unes s'enveloppent d'une mentonnière, les autres ont la visière à demi baissée. Toutes ont des casques dont les panaches se recourbent en ornement sous la corniche. Enfin, au troisième étage, à l'ordre corinthien, se montrent des têtes de statues féminines aux cheveux différemment noués. À Saint-Marc, bosselées de dômes, incrustées de mosaïques, chargées d'incohérentes dépouilles de l'Orient, je me trouvais à la fois à Saint-Vital de Ravenne, à Sainte-Sophie de Constantinople, à Saint-Sauveur de Jérusalem et dans ces moindres églises de la Morée, de Kio et de Malte. Saint-Marc, monument d'architecture byzantine, composite de victoires et de conquêtes élevées à la croix, comme Venise entière est un trophée. L'effet le plus remarquable de son architecture est son obscurité sous un ciel brillant. Mais aujourd'hui, 10 septembre, la lumière du dehors émoussée s'harmoniait avec la basilique sombre. On achevait les 40 heures ordonnées pour obtenir du beau temps. La ferveur des fidèles priant contre la pluie était grande. Un ciel gris et aqueux semble la peste aux Vénitiens. Nos vœux ont été exaucés. La soirée est devenue charmante. La nuit, je me suis promené sur le quai. La mer s'étendait, unie. Les étoiles se mêlaient aux feux épars des barques et des vaisseaux ancrés çà et là. Les cafés étaient remplis, mais on ne voyait ni polichinelle, ni grec, ni barbaresque. Tout fini. Une madone, fort éclairée au passage d'un pont, attirait la foule. De jeunes filles à genoux disaient dévotement leur patenôtre. De la main droite, elles faisaient le signe de la croix. De la main gauche, elles arrêtaient les passants. Rentrée à mon auberge, je me suis couché et endormi au chant des gondoliers stationnés sous mes fenêtres. J'ai pour guide Antonio, le plus vieux et le plus instruit des cicéronis du pays. Il sait par cœur les palais, les statues et les tableaux. Le 11 septembre, visite à l'abbé Bettio et à M. Gamba, conservateur de la bibliothèque. Ils m'ont reçu avec une extrême politesse, bien que je n'eusse aucune lettre de recommandation. En parcourant les chambres du palais ducal, on marche de merveilles en merveilles. Là se déroule l'histoire entière de Venise, peinte par les plus grands maîtres. Leurs tableaux ont été 1000 fois décrits. Parmi les antiques, j'ai, comme tout le monde, remarqué le groupe du Cygne et de l'Eda, et le Ganymède, dit de Praxitèle. Le Cygne est prodigieux d'étreinte et de volupté, l'Eda est trop complaisante. L'aigle du Ganymède n'est point un aigle réel. Il a l'air de la meilleure bête du monde. Ganymède, charmé d'être enlevé, est ravissant. Il parle à l'aigle qui lui parle. Ces antiques sont posées aux deux extrémités des magnifiques salles de la bibliothèque. J'ai contemplé avec le saint respect du poète un manuscrit de Dante et regardé avec l'avidité du voyageur la map monde de Fra Mauro, 1460. L'Afrique, cependant, ne m'y semble pas aussi correctement tracée qu'on le dit. Il faudrait surtout explorer à Venise les archives. On y trouverait des documents précieux. Des salons peints et dorés, je suis passé aux prisons et aux cachots. Le même palais offre le microcosme de la société, joie et douleur. Les prisons sont sous les plombs, les cachots au niveau de l'eau du canal et à double étage. On fait 1000 histoires d'étranglements et de décapitations secrètes. En compensation, on raconte qu'un prisonnier sorti gros, gras et vermeil de ses oubliettes après 18 ans de captivité. Il avait vécu comme un crapaud dans l'intérieur d'une pierre. Honneur à la race humaine, quelle belle chose c'est. Force sentence philanthropique barbouille les voûtes et les murs des souterrains, depuis que notre révolution, si ennemie du sang, dans cet affreux séjour d'un coup de hache, a fait entrer le jour. En France, on encombrait les geôles des victimes dont on se débarrassait par l'égorgement, mais on a délivré dans les prisons de Venise les ombres de ceux qui peut-être n'y avaient jamais été. Les doux bourreaux qui coupaient le cou des enfants et des vieillards, les bénins spectateurs qui assistaient aux guillotinées des femmes s'attendrissaient sur les progrès de l'humanité, si bien prouvés par l'ouverture des cachots vénitiens. Pour moi, j'ai le cœur sec, je n'approche point de ces héros de sensibilité. De vieilles larves sans tête ne se sont point présentées à mes yeux sous le palais des doges. Il m'a seulement semblé voir dans les cachots de l'aristocratie ce que les chrétiens virent quand on brisa les idoles, des nichées de souris s'échappant de la tête des dieux. C'est ce qui arrive à tout pouvoir éventré et exposé à la lumière. Il en sort la vermine que l'on avait adorée. Le pont des soupirs joint le palais ducal aux prisons de la ville. Il est divisé en deux parties dans la longueur. Par un des côtés entraient les prisonniers ordinaires, par les autres, les prisonniers d'État se rendaient au tribunal des inquisiteurs ou des dix. Ce pont est élégant à l'extérieur et la façade de la prison est admirée. On ne se peut passer de beauté à Venise, même pour la tyrannie et le malheur. Des pigeons font leur nid dans les fenêtres de la geôle, de petites colombes, couvertes de duvet, agitent leurs ailes et gémissent aux grilles en attendant leur mère. On encloîtrait autrefois d'innocentes créatures presque au sortir du berceau. Leurs parents ne les apercevaient plus qu'à travers les barreaux du parloir ou les guichets de la porte. Venise, septembre 1833. Vous pensez bien qu'à Venise, je m'occupais nécessairement de Silvio Pellico. M. Gamba m'avait appris que l'abbé Bettio était le maître du palais et qu'en m'adressant à lui, je pourrais faire mes recherches. L'excellent bibliothécaire, auquel j'eus recours un matin, prit un gros trousseau de clefs et me conduisit, en passant plusieurs corridors et montant divers escaliers, aux mansardes de l'auteur de Millet Prigioni. M. Silvio Pellico ne s'est trompé que sur un point. Il a parlé de sa geôle comme de ses fameuses prisons cachots en l'air, désignées par leur toiture, Soto i Piombi. Ces prisons sont, ou plutôt étaient, au nombre de cinq, dans la partie du palais ducal qui avoisine le pont d'Elia Palia et le canal du pont des Soupirs. Pellico n'habitait pas là. Il était incarcéré à l'autre extrémité du palais, vers le pont des Chanoines, dans un bâtiment adhérent au palais. Bâtiment transformé en prison en 1820 pour les détenus politiques. Du reste, il était aussi sous les plombs, car une lame de ce métal formait la toiture de son ermitage. La description que le prisonnier fait de sa première et de sa seconde chambre est de la dernière exactitude. Par la fenêtre de la première chambre, on domine les combles de Saint-Marc. On voit le puits dans la cour intérieure du palais, un bout de la grande place, les différents clochers de la ville, et au-delà des lagunes, à l'horizon, des montagnes dans la direction de Padoue. On reconnaît la seconde chambre à sa grande fenêtre et à son autre petite fenêtre élevée. C'est par la grande que Pellico apercevait ses compagnons d'infortune dans un corps de logis en face et à gauche au-dessus les aimables enfants qui lui parlaient de la croisée de leur mère. Aujourd'hui, toutes ces chambres sont abandonnées car les hommes ne restent nulle part, pas même dans les prisons. Les grilles des fenêtres ont été enlevées, les murs et les plafonds blanchis. Le doux et savant abbé Bettio, logé dans cette partie déserte du palais, en est le gardien paisible et solitaire. Les chambres qui immortalisent la captivité de Pellico ne manquent point d'élévation. Elles ont de l'air, une vue superbe, elles sont prisons de poètes. Il n'y aurait pas grand-chose à dire, la tyrannie est l'absurde admis. Mais la sentence à mort pour opinion spéculative. Mais les cachots moraves. Mais 10 années de la vie, de la jeunesse et du talent. Mais les cousins, vilaines bêtes, qui me mangent moi-même à l'hôtel de l'Europe, tout endurci que je suis par le temps et les maringouins des Florides. J'ai du reste été plus souvent mal logé que Pellico ne l'était dans son belvédère du palais ducal, notamment à la préfecture des doges de la police française. J'étais obligé de monter sur une table pour jouir de la lumière. L'auteur de Françoise de Rémini pensait à Zanz dans sa geôle. Moi, je chantais dans la mienne une jeune fille que je venais de voir mourir. Je tenais beaucoup à savoir ce qu'était devenue la petite gardienne de Pellico. J'ai mis des personnes à la recherche. Si j'apprends quelque chose, je vous le dirai. Fin de la section 15.